conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, les charmes du vide. Qu'est-ce que le vide ? On l'accole à tant d'images contradictoires qu'il n'apparaît pas d'une limpide clarté. Le vide est un théâtre d'ombre, sans visage ni forme, un récipient obscur pour toutes sortes de spectres. Il suscite l'horreur, l'angoisse, mais aussi l'attrait. Emporté par les turbulences du quotidien, nous désirons régulièrement faire le vide, fuir le trop de tout. Mais tout cela ne nous dit pas ce qu'est le vide, d'autant moins qu'une sorte de déchirement ontologique lui colle à la peau. Tantôt nous en parlons comme s'il se confondait avec le néant, tantôt comme s'il était quelque chose de bien réel, mais de très particulier. Le vide est ainsi mis en ballottage existentiel. Il aurait un pied dans la réalité, l'autre ailleurs, on ne sait où. Pour ne rien arranger à son intelligibilité, le mot vide est l'objet d'une polysémie fulgurante, comme s'il était paradoxalement victime d'un trop-plein de significations. Le vide que dompte l'alpiniste et que redoute l'acrophobe n'a guère en commun avec celui qu'on fait autour de soi en allumant un cigare, ni avec le vide quantique, d'où les physiciens font surgir des particules à grand renfort de collision. Le vide est donc sans conteste un signifiant flottant, comme aurait dit Jacques Lacan. Si flottant même que, pour mieux le cerner, je devrais inviter en sifflotant un ou une funambule, un pratiquant de la méditation, une personne sujette au vertige, un philosophe, si possible de l'Antiquité, Parménide, Démocrite ou Aristote, un physicien théoricien, et aussi Blaise Pascal, et même un marchand pas forcément avide de pompes à vide. Cela ferait trop pour un seul mot, et surtout trop pour une seule émission. Alors j'ai décidé de n'inviter qu'une seule personne, mais pas n'importe laquelle, une personne qui connaît le vide comme sa poche et qui semble lui trouver un charme infini. C'est une alpiniste, une grimpeuse de cime. Bonjour Stéphanie Baudet. Bonjour Étienne. Vous publiez un ouvrage magnifique qui s'appelle « À la verticale de soi ». Vous êtes donc alpiniste, grimpeuse, qu'est-ce qu'on dit ? Oui, en fait, on peut dire un petit peu tout ça à la fois. Alpiniste désignerait peut-être davantage le fait de grimper, de gravir des montagnes, des sommets, alors que l'escalade, donc le grimpeur, lui se confronte davantage aux parois rocheuses. Alors, vous avez été championne du monde d'escalade, il y a quelques années, et vous êtes pourtant, c'est le paradoxe de votre livre, complètement inapte au sport. Alors, complètement inapte, c'est peut-être un petit peu... C'est ce que vous dites à un moment. Oui, alors c'est vrai que j'étais une enfant asthmatique et rien ne me prédisposait du tout. J'avais au sport de haut niveau, j'avais beaucoup de mal à courir parce que j'étais sans cesse en proie à des crises d'asthme, d'allergie terribles. Et mes parents ont eu la bonne idée de m'emmener sur les sentiers de montagne pour essayer de retrouver un petit peu du souffle et de me guérir cette manière. Et puis ils m'ont ouvert les portes de la nature et ça a été une chance formidable. L'escalade, dites-vous, vous a ensorcelé. C'est vraiment incroyable. Ah oui, non, mais c'était vraiment comme un coup de foudre, ouais, comme un coup de foudre amoureux, quelque chose d'inexplicable. Une rencontre, en fait, avec une matière aussi, qui est le rocher, et qui peut prendre mille formes, et qui nous offre aussi des sensations très variées. Et c'est un grand bonheur. Ouais. Alors, en épigraphe de votre livre, vous citez une phrase de Gérard de Nerval, « Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres ». Comment est-ce que vous la comprenez, cette phrase ? Alors, qui se termine par un point d'exclamation. Oui, donc c'est effectivement dans Vert doré, donc de Gérard Nerval, et j'aime beaucoup cette phrase parce que ça nous permet de comprendre qu'au-delà de notre humanité, qu'au-delà de notre rationalité, il existe autre chose en fait, et que la matière n'est pas aussi impassible que ce qu'on croit au premier abord. Moi, j'adore, il y a un animisme, un panthéisme comme ça qui surgit, et je trouve cette phrase magnifique, voilà. Et alors, je ne l'ai pas dit dans vos présentations, mais j'aurais dû quand même le signaler. Vous êtes la troisième femme au monde à avoir gravi le El Capitan, cette célèbre paroi en Californie. Oui, voilà, c'est l'une. Bon, alors depuis, il y a d'autres femmes. Quand on voit une photo, on se dit que c'est impossible. Ces 1000 mètres de granit sans aucune aspérité. Alors c'est un style très particulier, donc j'appelle style un style d'escalade, parce qu'en fait c'est un granit, on dirait presque du marbre tellement il est lisse dans la première partie, mais heureusement il est fracturé par des fissures qui permettent de coincer les mains, de coincer les épaules, de coincer les jambes, donc ça nous permet d'arriver au sommet, et nous ce qu'on aime faire c'est justement l'escalade libre, c'est-à-dire utiliser le rocher, ce qu'offre le rocher pour s'agripper. Et c'est pas grand-chose en l'occurrence. Et utiliser voilà, le matériel, soit les coinceurs compost, soit parfois les ancrages fixes, simplement pour la sécurité. Alors depuis, il y a eu un exploit formidable qui a été réalisé en solo intégral de cette voie par Alex Honnold, un Américain. Et c'est quasiment futuriste en fait. Et c'est à la fois fascinant et très effrayant. Parce qu'il aurait pu tomber. Ah oui, quand on est en sous l'intégrale, on n'a pas de corde, contrairement à moi. J'avais une corde, j'étais encordée avec mon compagnon Arnaud Petit, et j'ai passé quelques jours comme ça dans la paroi, mais lui était... Quelques jours et quelques nuits. Quelques nuits, voilà. Et lui, il a gravi comme ça en une journée, en short, avec une petite ficelle autour du... et puis un petit sac à magnésie, comme on dit, c'est ce qui permet de tremper nos doigts dans cette espèce de poudre blanche qui nous permet de mieux adhérer sur le rocher. Et on est dans quel état lorsqu'on arrive au sommet ? C'est l'épuisement, c'est la joie qui domine ou... Alors, pour Alex Honnold, je ne sais pas. Je pense que c'était un mélange de soulagement. De soulagement, voilà. C'est un soulagement. Donc, c'est assez ambigu, l'escalade comme ça en solo intégral. Alors moi, dans mon cas, ce n'était pas du tout pareil. C'était la joie d'avoir réussi à gravir cette paroi en escalade libre. Et puis surtout, d'avoir vécu ces instants en paroi que j'adore. Et c'est pour lesquels, en fait, je pratique l'escalade. C'est cette espèce de communion au fil des journées qui s'écoule. Mais ça provoque pas un épuisement physique ? Ah, si, l'épuisement physique est réel, mais en même temps, il est toujours doublé d'une euphorie. Et le véritable épuisement, on ne l'a qu'au retour quand on redescend et qu'on arrive à la tente. Et là, on s'affale et pendant une semaine, on ne bouge plus de son matelas. On boit des chocolats chauds, on regarde la paroi en admirant les grimpeurs, mais on est content de ne plus rien faire et juste de contempler. Il y a quelques mois, j'avais reçu Stéphanie Baudet, j'avais reçu Michel Cassé, physicien, qui avait parlé du vide quantique. Et puis du vide en général en physique, il avait dit cette phrase qui m'est restée en mémoire. Le vide, c'est comme le cholestérol, il y a le bon, il y a le mauvais. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que quand on grimpe, parfois le vide est bon et parfois il est mauvais ? Alors je pense que pour tous les grimpeurs, il est quand même relativement bon. C'est-à-dire qu'on a plaisir à être suspendu en plein vide. Alors c'est pas pour ça qu'on n'éprouve pas parfois un effroi, une frayeur, notamment c'est pour ceux qui connaissent peut-être les gorges du Verdon. C'est une escalade très particulière parce qu'on commence à descendre en rappel avant de grimper. Et moi qui n'éprouve jamais le vertige, j'éprouve quand même de temps en temps une espèce de petit pincement au moment où je lance ma corde en me disant, bon ben voilà, je descends et on n'est pas encore, le vide n'a pas été apprivoisé. On n'a pas eu le temps de s'acclimater au vide. On n'est pas encore dedans. On n'est pas encore dedans, voilà. Tandis que quand on part au pied de la paroi et qu'on monte, on a le temps d'apprivoiser le vide, de s'y faire et d'en faire un élément dans lequel on se trouve bien finalement. Alors il y a une devise chez les alpinistes, hein, si tu tombes, c'est la chute. Si tu chutes, c'est la tombe. Vous avez connu la chute, mais vous n'êtes pas dans la tombe. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode qui fait l'objet d'un chapitre dans votre livre qui s'intitule « Demain n'existe pas ». Oui, alors c'est vraiment une chute idiote parce qu'on était donc dans un petit village berbère qu'on aime beaucoup dans le Haut Atlas marocain. Et on avait ouvert... Donc loin des hélicoptères et des postes de secours. Oui, très très loin des postes de secours, on n'est pas à Chamonix. Et on avait gravi une grande paroi, on ouvrait une voie. En fait, c'est-à-dire qu'on essayait de trouver une ligne nouvelle dans une paroi immense comme ça au-dessus du village. Et on ouvrait cette voie. Puis au terme de l'ouverture, on avait fait le tour pour installer des cordes fixes et puis faire un petit peu de film au sommet. Et j'ai fait une erreur, C'est-à-dire, je me suis concentrée pendant longtemps parce qu'on cheminait sur une petite crête effilée avec beaucoup de vide à gauche et à droite. Et puis, cela, c'était dangereux. Et sorti des difficultés, j'avais un sac très lourd qui me sciait les épaules, et sorti des difficultés, je me suis déconcentrée. C'est un peu toujours ce qui se passe. Voilà, c'est ce qui se passe, parce qu'au moment où on perd un petit peu le contact avec la réalité, on se dit, bon, ben là, c'est sorti d'affaire, et c'est là qu'on trébuche. Et j'ai trébuché bêtement, et j'ai eu la chance de me rattraper avant une paroi de 30 mètres. C'est plus que la chance, vous parlez d'un miracle. Oui, je pense vraiment. Vous voyez le paysage qui s'anime. C'est votre mouvement qui fait bouger le paysage, c'est pas le paysage qui bouge tout seul. Exactement. Et que miraculeusement, alors que vous avez déjà parcouru plusieurs mètres en chute libre. Oui, j'ai fait deux espèces de saltos dans une pente. Et puis je me suis arrêtée en m'agrippant à une pierre qui était plantée dans le talus avant le rebord de la falaise. Mais c'est vrai que j'ai vraiment eu le sentiment que la vie se terminait là et que c'était vraiment idiot en fait la mort, qu'on pouvait mourir très bêtement. C'est ce qui m'est venu à l'idée, puis j'ai pensé à deux personnes qui m'étaient très chères et que j'avais perdues récemment, notamment ma petite sœur et puis une amie dans une avalanche qui était décédée l'année d'avant. Et ces visages-là me sont revenus. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu l'idée de me rattraper à la pierre. Et... C'est une bonne idée. Très bonne idée. Mais vous avez le souvenir parfait de ce qui vous est passé dans la tête pendant cette durée de la chute qui est très courte. Ah oui, c'est ça qui est... C'est là qu'on se dit qu'il y a certains instants de nos vies où le temps justement prend une dimension tout à fait autre. Il se dilate en fait dans ces moments qui sont des moments clés, peut-être de transition, de passage vers un autre étage. C'est très particulier, mais j'ai un souvenir très précis. Encore de ma semelle qui trébuche, qui agrippe une petite aspérité, puis hop, je commence à faire cette chute. Mon sac à dos me protège le dos, parce que sans quoi, je pense que j'aurais le dos cassé. Et vous dites que ça a changé votre rapport aux autres, votre rapport à la vie ? Oui, je pense que ça a été vraiment un tournant. J'avais 34 ans, à peu près, peut-être un peu moins, je ne sais plus. Mais ça a été un moment où je me suis dit, peut-être qu'il faut arrêter de courir vers toujours dans une surenchère de choses difficiles, parce que je grimpe souvent avec des alpinistes et des grimpeurs qui sont des hommes, des très forts grimpeurs, des très forts alpinistes. Et j'ai toujours eu le sentiment d'essayer avec mon corps de femme, qui est quand même assez différent, pour porter des gros sacs, pour hisser porter des sacs de 30 kilos. J'ai pas la même constitution que les hommes. Et je pense que j'ai toujours essayé un petit peu comme ça d'être au même niveau, de rattraper un petit peu le reste du groupe. Et là, j'ai réalisé que c'était inutile, que c'était absurde. Enfin, vous continuez quand même à faire beaucoup de choses. Vous voyagez en Inde, au Pakistan, au Maroc. Oui, alors, après, il a fallu 3 ans. En fait, quand ça n'avait pas été une rupture nette, j'ai eu une prise de conscience. Et puis après, le ralentissement s'est effectué en douceur. Pendant quelques années, je me suis dit, tiens, il faut que je trouve une autre manière de vivre, un petit peu plus douce avec mon corps. Et puis aussi, j'accepte un corps de femme qui est différent de celui des hommes, parce que je pense que j'étais aussi dans ce déni-là. J'aurais voulu avoir la constance, la régularité parfaite de mes compagnons de cordée. Et j'étais simplement différente. Et ça, je pense que ça m'a fait prendre conscience de tout ça. Et c'était une très très bonne chose. Alors Stéphanie Bonnet, l'émission s'appelle « Conversation scientifique ». Il faut qu'on parle un tout petit peu de science. J'ai trouvé dans votre livre une allusion quand même à la physique. Je voudrais qu'on en reparle. Vous écrivez ceci en parlant de vos années de collège. En cours de physique, l'une des matières durant lesquelles j'aurais volontiers somnolé, je fais semblant d'adopter une mine attentive par égard pour Monsieur Poudou, qui était l'un des pionniers de l'escalade à Céuse. J'ai essayé une dalle qu'il a ouverte, du bas dans les années 1980, et je l'ai trouvé fichtrement difficile, ça mérite le respect. Ça veut dire que vous avez été un petit peu attentif, donc vous connaissez un petit peu de physique. Non, malheureusement, je suis très gênée presque d'être à la conversation scientifique, parce que j'ai très peu de dons pour les chiffres et pour toute forme d'abstraction en fait. Mais vous connaissez bien la gravitation. Voilà, après je l'expérimente à ma façon, mais c'est vrai que c'est tout à fait étrange. Et donc c'est ce professeur de physique-là, c'est vrai que j'avais une grande admiration et j'essayais vraiment de faire un effort pour rester concentrée. Puis mes yeux n'arrêtaient pas de tourner un petit peu vers la gauche, parce qu'il y avait cette belle falaise de Céuse au pied de laquelle je vis aujourd'hui, qui m'attirait davantage que les courses physiques. Ouais. Mais comment est-ce que vous vivez la gravitation ? Est-ce que quand vous êtes sur une paroi, et dans votre vie on voit des photos que je ne peux évidemment pas montrer ici, mais qui sont très très impressionnantes. Il y a parfois 600, 700, 800 mètres de vide vertical, si j'ose dire, sous vos pieds. Comment est-ce que vous vivez la gravitation ? Est-ce que vous avez conscience que chacun des atomes de votre corps est attiré par chacun des atomes de la Terre ? Mais je crois que quand on grimpe, c'est ça qui fait aussi de l'escalade un sport, une pratique en tout cas si difficile et parfois si ingrate, c'est qu'on fait vraiment face à cette... il faut une volonté, il faut réellement s'agripper, il faut une force, parce qu'on ne peut pas être... je pense que c'est une forme de méditation en action, mais avec une volonté, une espèce de vitalité nécessaire pour s'agripper, sinon on reste par terre. Et on ressent profondément justement ce corps, et quand le corps est en forme, quand le corps l'est moins, on est immédiatement présent à notre corporalité, à notre corps animal, et moi c'est ce que j'apprécie beaucoup aussi en escalade. Mais quelle est cette force qui fait qu'on est aspiré par ce que vous appelez la verticale de soi ? Alors, c'est pas le cas de tout le monde, tout le monde n'a pas un psychisme ascensionnel, comme disait Bachelard. Oui, voilà, j'aime beaucoup ces mots. Je pense qu'il parlait en particulier de Nietzsche à ce moment-là, dans la Terre et les rêveries de la volonté, où il parle de ce psychisme qui nous élève. Mais je crois qu'il y a dans l'élévation physique, il y a une forme d'élévation mentale, morale, peut-être spirituelle. C'est des grands mots, hein, c'est peut-être exagéré, mais on ressent quand même une ouverture à plus grand que soi. Je trouve que quand on s'élève sur un sommet, chacun a pu le ressentir en se promenant, on arrive à un col, on arrive à un sommet, puis là, d'un seul coup, on a un sentiment de recul, de distance sur les choses, on voit plus largement, on a une vision panoramique, en fait, qui s'ouvre. Et il y a cette alternance en escalade très intéressante entre cette vision large et ce rétrécissement, ce focus sur le détail, l'instant, les prises qui suivent, et à nouveau au relais, c'est-à-dire les instants où on s'arrête pour assurer le compagnon de cordée, où on peut à nouveau retrouver l'ensemble du paysage comme lorsqu'on est au sommet. Il y a une alternance constante. Vous dites quelque part, je ne sais plus très bien où dans votre livre, mais vous dites que parfois, dans une paroi, vous faites corps avec l'instant. Oui, c'est ça. C'est une formule incroyable. Mais c'est vraiment comme ça que je le vis, parce qu'en escalade... justement par rapport au yoga ou à la méditation, où il faut se mettre dans un état propice à ce saisissement de l'instant. Il faut se préparer. Il faut se préparer. En escalade, c'est immédiat. On quitte le sol, on quitte la terre et on est là. C'est obligé, sinon on sent tout de suite, on tombe, on n'est pas présent. Si on est ailleurs, on tombe. Si on est ailleurs, on tombe. Alors, la chute si on a l'esprit pas... ailleurs, on tombe. Voilà. La chute n'est pas forcément dangereuse, parce qu'aujourd'hui, on peut s'initier à l'escalade, et puis sur un mur artificiel, ou en falaise, et puis le sentir, et être assuré, et puis la chute n'est sans gravité, on est simplement retenu par la corde de notre compagnon de cordée. Mais voilà, on ne peut pas se permettre d'être ailleurs. Et l'escalade va même être un révélateur de notre état intérieur, je trouve. Et notre dispersion, en tout cas quand on se sent dispersé, on arrive, on s'élève, on prend les premières prises, on pousse sur les premières prises de pied, et d'un seul coup, on a un sentiment comme ça de réunification de notre énergie au niveau de l'abdomen qui est assez fort. Je ne l'ai pas dit en vous présentant, mais ça s'entend presque dans vos paroles, vous avez été professeur de lettres. Vous avez beaucoup de références littéraires qu'on retrouve dans votre livre. Quel est votre rapport à la littérature ? C'est un rapport très... à la littérature, peut-être aux mots davantage, qui est très, très fort, en fait. Je crois que les deux s'entrecroisent. Je crois que j'aime tellement grimper aussi pour pouvoir mettre en mots des choses et puis mettre en mots des sensations que j'éprouve en escalade. Et puis la littérature tient une place. Enfin, les livres m'ont nourri profondément. Ils ont été même des catalyseurs au voyage. J'ai voyagé dans les livres avant de voyager réellement. Parce que mes parents étaient plutôt... Enfin, mon papa était assez casanier, mais on avait une belle bibliothèque. Et j'ai lu énormément Alexandre David Nel, Ella Maillard, Nicolas Bouvier. Ces gens-là m'ont fait rêver. Plus tard, Sylvain Tesson. Qui préface votre livre. Oui, voilà. Et d'ailleurs, il dit une phrase qui me semble fort bien le résumer. Il dit de votre livre qu'il est une éducation sentimentale en milieu vertical, une avancée timide et délicate en milieu extrême. Oui, je suis très émue par ses paroles. Il m'a fait une magnifique préface. Et c'est vrai qu'il a cet art de résumer en quelques mots, parfois, ce qu'on pressent. Mais dans ce livre, en tout cas, La verticale de soi, j'ai essayé de faire passer des émotions, des sensations que je vis au plus grand nombre, à des gens qui ne pratiquent pas forcément la montagne, mais qui se demandent peut-être ce qu'on ressent à ce moment-là. Quoi. Alors, dans les photos qui accompagnent votre récit, on a l'impression que vous êtes sur des parois incroyables, et on a l'impression que vous êtes... tranquille, souriante. Vous n'êtes pas dans l'effort. Est-ce que c'est parce que c'est les pieds qui comptent dans ces affaires-là plutôt que les bras ? Alors en fait, les deux comptent. Il y a des escalades qui sont davantage sur les pieds. Je vous coupe parce que si je vous pose la question, c'est parce que j'ai trouvé cette phrase de Robert Musil dans L'homme sans qualité qui dit « L'esprit du grimpeur, c'est que le pied le plus sûr est toujours aussi le plus bas placé ». Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que le pied, en tout cas, le pied est une qualité essentielle du grimpeur. C'est-à-dire que quand on débute en escalade, souvent, on essaie de s'agripper. C'est-à-dire qu'on est en la recherche des prises au-dessus de nous et on pense pas comme si le corps était dissocié au niveau de la taille et on oublie totalement ses jambes et ses pieds. Et puis le reste traîne et va à la va-vite, va à la va comme je te pousse. Mais, donc ça, personne c'est. Pousse. Voilà. Et donc là, la première chose en escalade, je crois, c'est de comprendre que c'est pas tant une activité de vertige, de funambulisme, c'est une activité de funambulisme dans le sens où c'est une activité d'ancrage en fait. On s'ancre comme en marchant finalement, on va de déséquilibre en déséquilibre, simplement au lieu d'être sur la terre ferme avec de l'espace autour de soi, on s'ancre sur du minuscule. Et dans l'infiniment grand, parce qu'il y a cette dimension derrière d'espace, derrière soi, dans son dos. Et Eric Lucas en parle très bien, de ce sentiment de faire face à la muraille et de tourner le dos au monde pendant quelques instants. Ouais. Quelques instants qui durent des journées. Qui durent des journées, oui, voilà. Alors, vous connaissez la règle de l'émission, Stéphanie Baudet, on vous demande de choisir un morceau de musique. Et vous avez choisi Cinnamon de Nina Simone. Nous allons l'écouter. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. it was bleeding all on that day. So I ran to the river, it was boiling. I ran to the sea, it was boiling. I ran to the sea, it was boiling all on that day. So I ran to the Lord, please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, so I ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting all on that day. I cried, power, power, power, power, power, power, power, power, power, bring down, bring down, bring down, bring down, power, power, power, Stéphanie Baudet, Sinorman de Nina Simone, qu'est-ce qui vous a déterminé dans ce choix ? Alors, Nina Simone, c'est déjà une femme extraordinaire. Il y a une énergie comme ça qui vient de ce negro spirituel, de ce gospel qui est fabuleuse. Et puis, ce morceau me touche particulièrement parce qu'il y a question de rocher. C'est ce pêcheur qui va essayer de fuir en fait le regard divin et de s'abriter sous un rocher. Et j'adore quand elle dit I need your rock, j'ai besoin de toi, rocher. Et donc c'est bah, moi j'ai un rapport, voilà, j'ai pas beaucoup de peut-être de autant de péché que ce pauvre pêcheur qui court à confesser, mais j'ai besoin du rocher profondément. Et ça me fait un peu penser aussi à ce poème d'Hugo dans la conscience qui finit par l'œil était dans la tombe et regardait qu'un, hein. C'est-à-dire qu'on peut pas s'abriter nulle part, on peut s'abriter. Mais qu'est-ce que vous auriez fait si sur la surface de la terre il y avait pas de rocher, pas de bloc, pas de paroi? Ben, ça aurait été étrange. Vous avez été professeur de lettres. Mais disons que pour moi, le rocher, c'est vraiment l'ossature de la terre. Donc, il fait partie, le minéral fait partie de notre terre. Et je ne conçois pas une terre sans rocher. Alors, vous parlez aussi longuement et de ma façon très, très touchante de vos crises d'asthme dans l'enfance. Et vous citez à plusieurs reprises Artaud, Antonin Artaud, qui parlait de son érosion de l'être, l'effondrement central de l'âme. À propos de sa fragilité psychique, ouais. Mais vous en parlez à propos de l'asthme. Mais je crois à propos de toute douleur physique qu'on peut éprouver. Je crois que la douleur physique, moi c'est très relatif, l'asthme c'est ennuyeux, c'est quelque chose d'handicapant sur long terme, mais c'est pas une très grave maladie comme certains peuvent en vivre. Mais je crois que dans la douleur, il y a ce sentiment d'effondrement central de l'âme, d'érosion de toutes nos capacités, d'une espèce comme ça de sentiment d'amoindrissement. Et puis dont on sort après, peut-être grandi, mais je crois pas. Sur l'instant, c'est douloureux. Et ensuite, bon, moi, l'avantage de l'asthme, c'est que ça m'a permis peut-être de lire davantage que si j'avais été une sportive à toute épreuve, avec une énergie débordante. L'avantage de l'asthme. Non, alors pas des crises d'asthme, mais disons de cette fatigue un petit peu, de cet épuisement, c'est qu'on a le temps, on a ces instants de convalescence qui sont des reconquêtes de l'être et qui sont précieuses. Alors autant la douleur est insupportable pour la plupart d'entre nous, autant on a tous ces souvenirs de quand on sort de grippe, quand on est enfant, où on est dorloté à la maison et on peut lire des livres en buvant de la tisane. Et je trouve qu'ils sont précieux, ces instants dans nos vies qui sont souvent frénétiques. Alors je voulais avoir votre commentaire, Stéphanie Baudet, sur un autre texte d'Artaud. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle « Le théâtre de la cruauté ». Et il y a dedans presque une devise de l'alpiniste ou du grimpeur. Il dit « Notre corps est fait pour absorber toutes les possibilités errantes de l'infini du vide. » Ah oui, c'est magnifique, je ne connaissais pas. Je peux vous le lire en entier, ça prend quelques lignes. « Le corps humain est une pile électrique chez qui on a châtré et refoulé les décharges, dont on a orienté la vie sexuelle, les capacités, les accents, alors qu'il est fait justement pour absorber par ses déplacements photovoltaïques toutes les possibilités errantes de l'infini du vide. Et il termine en disant « Faites danser enfin l'anatomie humaine de haut en bas et de bas en haut. » Ah, c'est magnifique, oui. Parce qu'à un moment, vous parlez de la trajectoire de l'alpiniste ou du grimpeur qui est une sinusoïde, il monte, il descend, il remonte, etc. Tout à fait, oui. Alors vous-même, vous racontez des histoires de chutes psychologiques, vous avez connu des drames, la mort de votre sœur, Émilie, que vous évoquez magnifiquement, notamment au travers d'un poème que vous avez écrit qui s'appelle « L'âme sœur ». Et puis vous parlez aussi d'un burn-out, d'une sorte d'épuisement qui vous est arrivé. Oui, il y a à peu près 5-6 ans, oui. Quelques années après cette chute au Maroc, la chute physique, il y a eu une espèce d'effritement de ma motivation. Et puis ça n'a pas duré très longtemps. Je crois que la fatigue physique engendrée par des ascensions que j'avais fait durant l'été, qui étaient trop ambitieuses, et deux échecs successifs, m'ont ouvert les yeux. Et ça a été salvateur, en fait, ces deux échecs que j'ai vécus. Ça a été douloureux, parce que quand on est motivé pour faire certaines ascensions et que ça ne marche pas, et qu'on est vraiment dans cette espèce de volonté de réussite, de performance, c'est pas facile. C'est un petit peu le jeu du sport de haut niveau. Et en même temps, ça a été vraiment une grande chance pour moi, parce que ça m'a ouvert peut-être à une dimension plus intérieure que j'avais peut-être mise de côté, une sensibilité que j'avais mise de côté pour justement réaliser des ascensions. Et j'ai l'impression que tout ce qui vous arrive de difficile vous épanouit. L'avantage de l'asthme, je crois profondément que tout ce que... Je crois que c'est Christian Bobin, je ne sais plus précisément ce qu'il le dit, mais tout ce qui nous sort du monde, malgré nous, est une chance. Et alors je le cite peut-être de manière approximative, mais cette phrase m'a beaucoup marquée. Et Charles Julliez aussi, un auteur que j'aime beaucoup, en parle magnifiquement de ces moments douloureux de nos vies où on a l'impression d'être seul à souffrir aussi, que tout le monde autour va bien, mais en fait on se trompe souvent. On idéalise beaucoup la vie des autres. Et je trouve que prendre cette conscience, ce recul, et de savoir accepter ces moments, de les laisser nous traverser, ça nous permet quand même de rebondir et de retrouver une vitalité. C'est une période où vous n'aviez envie de rien. Oui, ben je crois que vous avez remarqué, quand on dit « je n'ai envie de rien », on met l'un à la suite de l'autre trois mots presque synonymes. Néant, vide, rien. Ah, je n'ai envie de rien. Ah oui, ça c'est bien trouvé, je n'avais pas vu. Alors, vous en avez parlé, j'en ai reparlé, la mort de votre sœur, qui est un drame instantané, subit, elle est morte d'une crise cardiaque, je crois. Oui, en fait, on ne sait pas précisément, peut-être une rupture d'anévrisme. À 15 ans. Ah oui, 15 ans. Et vous dites, dans les moments douloureux, la poésie est une évidence qui nous tire de la folie. C'est à ce moment-là que vous écrivez des poèmes ? J'ai commencé à écrire à ce moment-là, mais surtout, ça a été les années, peut-être plus tard, peut-être 10 ans après, où j'ai senti que quelque chose venait chaque été, en fait, comme si un petit peu cette... En plus, c'est très douloureux l'été, ça s'était passé en 23 juillet, une journée magnifique, il faisait beau, il y a cette chaleur, ce soleil qui est presque tragique en fait pour moi maintenant, qui est synonyme de drame. Et chaque été, finalement, le recours en tout cas à la poésie, à la tentative de mettre en mots le vécu, ce qui est venu l'âme sœur, je l'ai écrit 15 ans plus tard, je ne l'ai pas du tout écrit sur l'instant, mais c'est une manière pour moi effectivement d'accepter et puis de cheminer ainsi, ouais. Alors, il y a des choses beaucoup plus prosaïques dans votre livre, hein, notamment vous expliquez l'art de faire pipi dans une paroi quand on est au-dessus d'un compagnon de cordée qui est exactement sous soi. Voilà, j'ai pas hésité à évoquer ce genre de choses parce que déjà on le demandait quand je faisais une conférence ou un diaporama, j'avais toujours quelques personnes qui venaient me chuchoter dans l'oreille. Alors comment est-ce que vous faites pour faire pipi ? Les dames en particulier étaient très soucieuses de ces problèmes-là et je me suis dit bon ben là je vais résoudre le problème en l'évoquant de manière nette et surtout. Il faut lire cette page, c'est la page 77. Je vais pas le faire, faut que les gens la découvrent. Mais vous vous vantez d'être passé maître dans l'art du soulagement suspendu. Mais je crois qu'on est aussi des corps, on est un corps animal. Et tous ces besoins qu'on a, ces envies, il faut savoir les évoquer, ne pas les nier. Ce qu'on fait souvent dans notre vie sédentaire et citadine. Ouais. Vous n'avez pas l'instinct grégaire, c'est vous-même qui le dites. Ça se voit à quoi dans la vie de tous les jours ? J'ai du mal avec le confinement, avec la foule. C'est vrai que j'ai trouvé dans la nature et dans les espaces sauvages comme ça, de quoi respirer largement. Alors, je ne suis pas du tout une misanthrope, loin de là. J'aime beaucoup les gens, mais je suis davantage à l'aise en petit comité restreint. Je n'aime pas les grandes foules. Après, je crois que c'est On est tous assez différents. Certains se sentent nourris par le contact humain permanent et d'autres s'épuisent facilement. Et je fais partie des gens qui s'épuisent facilement au contact permanent des autres et qui ont besoin de se ressourcer un petit peu et puis de retrouver un peu de vide, de silence, de tranquillité avant de nouveau être capable d'embrasser le monde et de s'ouvrir aux autres. Ouais. Mais même quand vous vous mariez, vous le faites dans une sorte d'intimité. Vous êtes marié avec votre compagnon de cordée, on peut dire ça. Oui, ça. Bien sûr. Ouais. Et vous dites que vous avez fait un mariage non en grande pompe, mais en petite pompe. Vous étiez quatre. Oui, c'était aussi pour évoquer les chaussons d'escalade que nous avons mis juste après. Qui sont moi j'ai compris ajustées. Que ce jour-là, vous aviez fait, comme tous les autres jours, des pompes. Non, c'était pour parler des chaussons d'escalade qui sont très petits, qu'on met pour être très précis sur les prises et qu'on a enfilé tout de suite après le mariage avec les deux amis, donc nos deux témoins. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Vous êtes allé en Inde. Oui. En Inde, il y a la question du vide qui se pose en d'autres termes qu'en Occident. Est-ce que ça vous a intéressé de faire la comparaison ? Alors, lorsque je suis allée en Inde, j'avoue que je n'avais pas fait des lectures que j'ai pu faire assez dans les 5-6 dernières années suite à une formation de yoga que j'ai effectuée. Donc, j'y suis allée vraiment pour voir des sommets qui me fascinaient depuis longtemps dans le nord de l'Inde et puis découvrir l'Inde, mais sans bagage culturel, on va dire, derrière et sans lecture. Et puis plus tard, j'ai repensé à ce voyage, je n'y suis pas retournée depuis et il s'est considérablement enrichi par ce que j'ai pu lire. Et j'aime beaucoup la philosophie indienne, les textes de certains mystiques indiens comme la Bhagavad Gita ou les Upanishads sont des textes qui me nourrissent profondément. Et la question du vide aussi, dont on parle souvent dans le yoga et notamment dans la méditation, une question intéressante. On a tendance en Occident à penser qu'il faut faire le vide en soi. Or, il ne s'agit pas tant de faire le vide que de se relier à un soi avec un S majuscule qui serait la part divine et sacrée que nous avons chacun. Il ne s'agit pas d'évacuer des choses, de les retirer de la conscience, mais au contraire d'accueillir. D'accueillir, voilà, je crois que la méditation de pleine conscience en parle fort bien. Si vous écoutez des gens comme Christophe André, ils le disent magnifiquement. Il s'agit de laisser, ou les bouddhistes, Mathieu Ricard, de laisser les pensées nous traverser comme les nuages traversent le ciel, sans essayer de les retenir, mais simplement en les observant, oui, en se faisant témoin. Je crois que la notion de témoin est très importante en Inde, notamment dans le yoga. Oui. Mais est-ce que vous êtes capable de dire ce qui se passe dans la tête d'un Indien lorsqu'il prononce le mot « vide » par rapport à ce qui se passe dans la tête d'un Parisien qui dit la même chose ? J'en suis incapable, oui. On parlait de voyage, là. Vous êtes allé en Inde et dans beaucoup d'autres pays. Et vous citez cette phrase de Beckett, « On est peut-être con, mais pas au point de voyager pour le plaisir ». Alors pourquoi est-ce que vous voyagez ? C'est compliqué le voyage. Je crois qu'on voyage aussi pour des raisons différentes à différents âges de la vie. Je suis très touchée et je me retrouve beaucoup dans les mots de Nicolas Bouvier qu'on voyage pour se faire, enfin en tout cas moi je l'exprime comme ainsi, pour se rendre poreux au monde en fait, pour oublier un petit peu, pour s'oublier, non pas dans une fuite mais dans une adhésion plus complète à ce qu'on a autour. Et j'envie beaucoup les gens qui sont capables de vivre ça sans voyager, justement. Ces voyageurs immobiles, voilà, comme ce voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre ou Bernard Herrmann qui voyage depuis son ermitage parisien et qui est dans la méditation face à Notre-Dame sans bouger de Paris. Et je trouve qu'ils ont une chance assez fabuleuse de s'émerveiller des petites choses du quotidien sans forcément avoir besoin de mettre une grande distance entre leur maison et puis le reste du monde. Vous avez quel voyage qui est prévu pour les mois qui viennent ? Là, ça va être un voyage intérieur. J'ai pas prévu de grand voyage parce que j'ai besoin de retrouver du temps pour écrire suite à ce livre. J'ai envie j'ai un projet d'écriture que j'aimerais pouvoir mener à son terme. Donc, je vais plutôt rester chez moi et aller grimper dans les Calanques, dans le Verdon, un petit peu à proximité, parce que je me suis rendu compte que je connaissais finalement assez mal la France par rapport à certains endroits de Californie où j'ai passé du temps. Vous connaissez mal les plaines finalement. Alors, je connais très très mal les plaines. Alors un jour, j'aimerais beaucoup faire de grandes marches, mais je me dis que j'ai le temps. Alors vous dites que parmi les alpinistes que vous fréquentez, vous êtes une des rares à aimer les promenades. Parce que beaucoup d'alpinistes aiment marcher, c'est la marche d'approche. On marche, mais pour approcher ce qui est l'objectif véritable de notre quête, c'est le sommet, la montagne. Mais marcher pour marcher, c'est Arnaud, lui, mon compagnon, n'aime pas tellement ça. Et moi, j'apprécie énormément ces petites balades minuscules autour même de chez moi, ces flâneries. à l'affût un petit peu des choses souvent invisibles et qu'on ne peut pas saisir si on se dépêche tout le temps, si on passe son temps à être dans la stratégie, dans la logistique pour aller au pied d'une paroi. Et j'ai vraiment besoin de ces deux versants, et de plus en plus besoin de la petite promenade, de la flânerie. Et dans des sentiers buissonniers, moi j'aime bien prendre la cendre des animaux, des renards, des sangliers, essayer de me faufiler comme un chat dans les buissons. Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'adeptes pour me suivre. Stéphanie Baudet, si vous le permettez, je vais vous reparler de Chizik, parce que en lisant quelques-uns des chapitres de votre livre, m'est revenue à l'esprit une phrase d'un philosophe qui s'appelle Alexandre Coiré, et qui disait « Le pari de la physique moderne, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible ». C'est-à-dire, on peut expliquer les phénomènes qui se montrent devant nous par des lois qui semblent les contredire. Par exemple, la loi de la chute des corps nous dit que tous les corps tombent à la même vitesse, mais quand on fait tomber dans l'atmosphère des corps de masse différente, ils tombent à des vitesses différentes. Et il m'a semblé que votre pari à vous, c'est l'envers de celui de la physique. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'expliquer le réel par l'impossible, mais il est de démontrer l'impossibilité de l'impossible par le réel. C'est-à-dire, vous dites, et c'est une phrase que j'ai trouvée dans votre livre, cette paroi est réputée ingrimpable, impossible à grimper, donc je vais y aller. Oui, c'était une boutade. C'était non, parce que vous l'avez escaladé. Voilà, on a grimpé. Non, mais c'était pour montrer notre prétention et notre ambition de jeunesse avec Arnaud. On était comme ça, quand on a cette espèce d'élan comme ça, vigoureux pour la vie, pour cette curiosité, on se dit que rien n'est impossible tant qu'on n'y a pas mis les pieds pour aller voir. Quoi. On a besoin d'aller faire l'expérience par soi-même, de vivre les choses pour pouvoir mettre une étiquette ensuite. Qu'est-ce que c'est un jour férié pour vous? Ça existe? Alors j'ai la chance d'être complètement en dehors de l'agenda semainier, de ne pas vraiment distinguer les jours les uns des autres. Je commence à apprécier le week-end et le dimanche, parce que je me rends compte que c'est là que je reçois moins de mails, parce que les gens sont enfin vaquent enfin à leurs occupations, donc j'ai beaucoup d'amitié pour le dimanche. Donc c'est férié pour vous quand c'est férié pour les autres. Voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai que un jour férié... Mais oui, c'est un jour. J'aime beaucoup l'idée de farniente, de ne rien faire, mais je suis assez. Mais vous dites que pour l'alpiniste que vous êtes, le beau temps est une tyrannie. Alors ça l'a été. C'est vrai que j'ai beaucoup changé. C'était quand on était jeune. C'est irrésistible quand il fait c'est beau. C'est irrésistible. Il faut y aller. C'est d'une espèce comme ça. On est conditionné par la météorologie. On peut pas s'empêcher. Le soleil brille et on se sent presque coupable de rester à la maison. Et ça, j'ai dû aussi la vaincre petit à petit, cette espèce de tyrannie du beau temps comme ça. Puis de la frénésie à tout prix, mais on l'observe tous dans nos loisirs aujourd'hui. On se sent vraiment coupable dans une société comme la nôtre de ne pas bouger, être dehors, être actif. Et je crois qu'il faudrait parfois trouver des moments de repli pour équilibrer nos existences. Ouais. Alors je voudrais, si vous voulez bien, Stéphanie Baudet, que nous parlions un peu du corps. Il y a une grande question chez les philosophes. Est-ce que nous sommes notre corps ou est-ce que simplement nous le possédons? Et est-ce que nous pouvons avoir un rapport d'extériorité par rapport à notre corps? Alors il se trouve que le Point Référence publie ces jours-ci un numéro spécial sur le corps avec des textes fondamentaux de philosophes. Et j'ai trouvé certaines phrases pour lesquelles j'aimerais avoir votre réaction. Par exemple, Plotin dit « Le corps est un instrument qui nous a été confié pour un certain temps ». Vous êtes d'accord avec ça? Mais un instrument. L'idée d'instrument, en fait, je crois que pendant très longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir un corps au service de mes aspirations. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ce corps, c'était moi. En le traitant comme une machine qu'il faut réparer, qu'il faut de temps en temps amener chez le mécanicien, ça ne fonctionnait pas sur le long terme. Donc maintenant, j'ai vraiment acquis l'idée qui, sans tomber dans un narcissisme total et dans une écoute du corps exagérée, il faut être attentif aux signes qu'il nous donne, aux alertes en fait. Et je crois que c'est profondément important. Donc c'est en ce sens-là que j'ai plutôt l'impression d'être un corps plutôt que de posséder un corps. Mais c'est une transformation qui est assez récente. Alors maintenant, on va passer à Saint-Augustin. Saint-Augustin parle d'un corps spirituel. Ce qu'il appelle un corps spirituel, ça n'est pas un corps qui serait devenu esprit, c'est un corps qui obéit entièrement à l'esprit. Est-ce que vous avez arrivé dans les parois à ordonner à votre corps des choses qu'il n'a pas envie de faire ou qu'il ne peut plus faire? Alors, oui, je crois que... Est-ce que vous le suppliez? Je crois qu'on est, voilà, qu'on est poussé. Je me souviens, je crois que je cite dans mon livre Chantal Mauduit, une himalayiste que j'aimais beaucoup, qui est décédée très jeune et qui avait cette fantaisie. Elle parlait à ses orteils pour les encourager parce qu'elle risquait de se refroidir et de les geler, en fait. Et souvent, moi, je pense à elle quand j'ai mal aux pieds, quand les chaussons sont trop petits. Et je me dis, allez, j'encourage mes orteils à... Individuellement à... Non, pas individuellement. Ça prendrait un peu de temps, ça me sortirait ce que je fais. Mais disons que je trouve ça... Voilà, je trouve que c'est important de s'encourager, mais en fait, c'est s'encourager soi. C'est trouver une stratégie, c'est une parade. Nous allons écouter le deuxième morceau de musique que vous avez choisi, c'est Barbara. Dans les paniers d'osier de la salle des ventes, une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quel amour d'antan. Était la figée superbe et déchirante, les mains qui se nouaient se dénouaient tremblantes, des mains belles encore déformées, les doigts nus, comme sont nus parfois les arbres en novembre. Comme chaque matin dans la salle des ventes, pour donner une foule fiévreuse et impatiente, ceux qui pour quelques sous rachètent pour les vendre les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus. Dans ce vieux lit cassé en bois de palissandre, que tombes enlacées ont rêvé à s'attendre. Les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes, mais les choses murmurent si nous savons entendre. Le marteau se leva dans la salle des ventes, une fois puis deux fois, alors dans le silence. Et le cria, je prends, je rachète tous. Ce que vous vendez là, c'est mon passé à moi. C'était trop tard déjà dans la salle des ventes. Le marteau retomba sur sa voix suppliante. Tout se passe si vite à la salle des ventes. Tout se passa si vite qu'on ne l'entendit pas. Près des paniers d'osier dans la salle des ventes, une femme pleurait ses folles années 30 et revoyait soudain défiler son passé, défiler son passé, défiler son passé. Car venait de surgir du fond de sa mémoire, du fond de sa mémoire, un visage oublié, une image chérie du fond de sa mémoire, son seul amour de femme, son seul amour de femme. À quart, elle sortit de la salle des ventes, froissant quelques billets dedans ses mains tremblantes, froissant quelques billets du bout de ses doigts nus, quelques billets froissés pour un passé perdu. À quart, elle sortit de la salle des ventes, je la vis s'éloigner, courbée et déchirante. De son amour d'antan, rien ne lui restait plus. Pas même ce souvenir, aujourd'hui disparu. Stéphanie Bonnet, nous sommes à la radio, donc il va falloir quand même parler après ça. Oui, mais Barbara, c'est comme une commotion en fait. On a les larmes presque à la fin de cette chanson. Elle est terriblement émouvante. Et puis c'est cette parole, ces paroles superbes et déchirantes. Enfin, tous ces adjectifs formidables, cette voix. Et Barbara, c'est vrai qu'une chanteuse qui m'aime beaucoup. Alors, on va continuer cette suite de phrases dites par des philosophes sur le corps et le rapport entre le corps et l'esprit. On en était resté à Saint-Augustin. On va passer directement à Spinoza. Dans l'éthique, il explique « Personne ne sait ce que peut un corps, parce que personne ne sait comment l'esprit agit sur le corps. » Et donc, il n'y a jamais de miracle, on ne sait pas comment ça marche, donc on ne peut pas dire qu'une chose miraculeuse s'est produite, elle est peut-être normale. Il écrit par exemple « Le corps ne peut pas plus déterminer l'âme à penser que l'âme ne peut déterminer le corps à bouger. » Oui, en fait, moi je crois qu'il y a profondément, le mouvement et la pensée sont profondément unis pour moi, et on n'a pas les mêmes pensées, ou les mêmes émotions, les mêmes élans quand on est sédentaire que quand on est dans le mouvement. Je trouve que le mouvement met comme ça la pensée en mouvement. Enfin, en mouvement. Non, mais qu'est-ce qui met le corps en mouvement ? Qu'est-ce qui met le corps en mouvement ? Est-ce que c'est le corps ou est-ce que c'est l'âme ? Ah oui, ça c'est difficile. Je serais incapable de répondre. Moi, je pense que c'est profond. Moi, enfin, en tout cas, ce qui met en mouvement, c'est des aspirations de l'ordre, c'est de l'âme. Enfin, je sais pas comment. L'âme, c'est peut-être un mot un petit peu qui désignerait davantage quelque chose lié à la religion. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a trait à notre intériorité. Ce qui nous met en mouvement, c'est des élans. Moi, j'ai l'impression, pour dire les choses franchement, que votre livre, c'est pas un livre sur la montagne. Il y a très peu d'aspects sur la technique, sur l'encordage, sur les mousquetons, les pitons, etc. C'est presque un livre de métaphysique. Écoutez, j'en suis ravie parce qu'au fond, ce qui m'intéresse, c'est davantage les questions à l'existentiel. Ce qu'on fait, pourquoi on est là, où est-ce qu'on va. Enfin, c'est ces questions de mouvement dans un espace, dans un temps donné, dans un temps qui nous est imparti. Et c'est ce qui m'intéresse profondément. Quel sens on va donner à nos vies? Quels sont les choix? Y a-t-il de bons choix, de mauvais choix? Toutes ces questions-là, pour moi, sont fondamentales. Oui. Donc on vous sent quand même assez spinoziste. Ah oui, profondément. Oui. Ah oui. Mais je vais quand même passer à la suite. À Diderot, dans Le rêve de D'Alembert, il fait dire à Mademoiselle de l'Espinasse « Je suis un peloton de points sensibles ». L'idée que la sensation, c'est l'élément fondateur de la conscience de soi. La manière d'éprouver son corps a des effets sur la manière de s'éprouver soi-même. Ah ben, je suis aussi d'accord avec Diderot, alors. On va passer au XXe siècle. Oui. Bourdieu, le sociologue, qui dit « Le corps fonctionne comme un langage par lequel on est parlé ». Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous êtes parlé par l'escalade? Vous parlez d'escalade et vous êtes parlé par elle? Certainement, je pense que, en tout cas, le fait d'être dans la verticalité, d'être comme ça, dans ces sensations très fines et très délicates sur le rocher, m'a aussi poussé peut-être à une recherche de justesse dans l'écriture, dans la vie en général, hein, essayer de trouver une adéquation, un accord entre mes pensées et mes actes. Avant de parler de Bourdieu, j'aurais dû parler de Proust. Parce que Proust a parlé de la maladie, évidemment, vous avez connu la maladie. Il dit ceci, c'est dans la maladie que nous nous rendons compte que nous ne vivons pas seuls, mais enchaînés à un être différent, dont des habits nous séparent, qui ne nous connaît pas, et duquel il est impossible de nous faire comprendre notre corps. Alors Proust, à mon avis, Proust, c'est quelqu'un qui m'émeut aussi beaucoup, parce qu'il était asthmatique, et c'est cet écrivain quand même confiné dans son lit. Et je me dis, si Proust avait eu la chance d'avoir de la ventoline, la recherche du temps perdu en eût peut-être été tout à fait changée. La recherche était très, très différente. Alors, vous parlez de l'avantage de l'asthme et de la chance d'avoir de la ventoline. Non, mais je me suis beaucoup intéressée au traitement de Proust, en fait, au traitement qu'il prenait. Il prenait de la caféine. Énormément, parce que la caféine était censée aider, était censée atténuer les crises d'asthme, en fait. Et puis on a montré aujourd'hui que la caféine n'est finalement pas si bonne. Ça marche pas si bien. Ça marche pas si bien. Donc c'est vrai qu'après, le traitement de l'époque était différent et c'était une vraie souffrance. La souffrance de Proust était terrible. Hein. Oui. Mais on a l'impression que vous êtes très proche de lui par l'asthme, mais très éloigné de lui par le rapport à l'espace. Il bouge peu, vous bougez tout le temps. Et en même temps, on l'imagine très mal dans une paroi. Et en même temps, il y a ce rapport à la mémoire, moi, qui me touche beaucoup, à toute cette enfance, en fait, l'enfance de Proust, la façon dont il la narre. Je trouve qu'elle est, c'est assez fabuleux. C'est pareil pour vous, il y a plusieurs chapitres sur l'enfance, oui, voilà, dans votre livre qui sont magnifiques, où il n'est pas question de montagne. Oui, ben je pense que je suis touchée. Il est question de la famille, du rapport aux autres, de la solitude, du besoin de solitude, oui. Des petites promenades, des escapades. Oui, mais il y a des choses chez Proust aussi qui me touchent beaucoup quand il attend le baiser de sa maman le soir et puis qu'il espère entendre les pas dans l'escalier puis que ça ne se produit jamais. C'est profondément émouvant et tout enfant peut-être a ressenti cette frayeur, cette angoisse de l'abandon à la nuit tombée. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Stéphanie Baudet, on va revenir un petit peu à la question du vide. Il y a eu une grande polémique au XVIIe siècle sur l'existence du vide. Il y a ceux qui y croyaient, ceux qui n'y croyaient pas. Et notamment Blaise Pascal, qui croyait à l'existence du vide, et qui a même contribué à la démontrer, a écrit un jour une lettre au Père Noël. Alors c'est pas le Père Noël des sapins, c'est le révérend père de la Compagnie de Jésus, un jésuite, qui lui contestait l'existence du vide. Ils ont eu une correspondance et dans une de ces lettres, Blaise Pascal écrit « Le vide tient le milieu entre le néant et la matière. » C'est donc une zone intermédiaire entre l'absence de toute chose et puis la matière qui se donne à nous de façon concrète. D'ailleurs, une définition qui rappelle un peu celle du vide quantique. Le vide quantique, c'est plein de particules virtuelles qui n'ont pas assez d'énergie pour exister vraiment, et pour les faire sortir du vide, il faut leur donner, d'une façon ou d'une autre, l'énergie qui leur manque. Et donc il y a une sorte de dialectique entre le vide et la matière. Le vide serait comme le prologue de la matière. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent ? Est-ce que la matière fait partie du vide, en quelque sorte, pour vous ? Le vide se définit parce qu'il n'est pas dans la matière ? Alors, je ne peux pas répondre en physicienne, mais simplement en grimpeuse, en alpiniste. Et ça me parle dans le sens où j'ai l'impression qu'en tant que grimpeur, on est un petit peu à la frontière entre le vide et la matière, et ce rocher qui se dresse face à nous. Et la matière, le rocher, pour moi, est quelque chose de très, très important. L'escalade est une activité presque sensorielle, sensuelle. On caresse. Mais parfois, on a l'impression que la surface de contact entre votre corps, vos doigts ou vos pieds, et la roche, c'est quelques centimètres carrés. Voilà, parfois c'est infime. On en vient à détailler comme au microscope chaque cristal d'un granit et apprécier la douceur d'un grès comme à Fontainebleau ou comme dans les Taipan Wall en Australie. Ces espèces de on parle aussi du grain d'un rocher comme on parle du grain d'une peau en fait. Et moi, je suis très sensible à ça. Et puis après, il y a aussi, de manière plus phénoménologique, si je peux m'exprimer comme Bachelard, entre l'expérience que nous donne un granit qui surgit comme ça, qui jaillit de la terre, et un calcaire qui est davantage une matière de la mémoire, de l'accumulation, de la strate, du souvenir presque, de l'écorce du temps, en fait. Et je trouve que ça nous offre vraiment des expériences assez différentes. Peut-être que tous les grimpeurs n'y sont pas sensibles, mais moi, sans être géologue du tout, je suis quand même très, très attirée par ces différences, ces subtilités-là. Alors, je connais des guides d'autres montagnes qui ont des mains très différentes des vôtres. Vous parliez de la différence entre les hommes et les femmes, pour le corps. Vous avez des mains très fines, alors que les guides, souvent, ont des mains de paysans, comme on dit. Alors, vous êtes gentil, mais je n'ai pas des mains très fines. Les articulations sont quand même un petit peu endommagées. Mmh. Mais non, c'est vrai que j'ai assez peu souffert des mains, globalement. Peut-être parce que... Oui. Mais j'ai aussi peut-être moins planté de pitons qu'un vieil alpiniste, où c'était davantage un travail comme ça, presque de bricolage. Hein. Moi, j'ai davantage mis des coinceurs ou mousquetonné des dégaines ou ce genre de choses. Et j'ai peut-être pas mis mes mains autant à l'épreuve que des grimpeurs des années 50. Il y a quand même le froid qui joue. Il y a... Oui, non, mais les mains sont mises à rude épreuve. Oui, tout à fait. Oui. Et chez vous, ça ne se voit pas ? Peut-être parce que je suis devenue un peu moins... Je grimpe quand même moins depuis 5 ans et j'avais une pratique beaucoup plus intense et régulière pendant 20 ans, en fait. Et puis ces 5 dernières années... Voilà, entre le yoga, l'écriture, la littérature, je grimpe toujours avec un grand bonheur, mais de manière vraiment très différente. Et sans exiger de mon corps. Qu'est-ce qui a fait que vous avez, par exemple, cessé la compétition ? Vous avez été champion du monde d'escalade. Et puis, vous racontez très bien comment un jour, vous avez décidé de quitter les salles, les murs artificiels. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai, quand j'ai gagné la Coupe du Monde d'escalade de bloc, là, j'avais 23 ans et ça a été un tournant. Déjà, j'avais fait de la compétition un peu par émulation parce que mon compagnon en faisait et puis j'étais dans un milieu, j'étais douée, ça me réussissait, ça me permettait aussi, c'était peut-être pas très vertueux de ma part, mais de gagner de l'argent, donc j'étais autonome financièrement assez jeune et cet argent, on le mettait dans les voyages. Donc pour moi, c'était important de faire de la compétition quand même, de gagner un petit peu ces prix-là, de manière à pouvoir voyager avec Arnaud puis aller vers ce qui était notre rêve, les grandes parois. Et puis, petit à petit, on a vu que c'était pas possible de continuer les deux. Donc, on a arrêté parce que moi, la compétition me paraissait, mais comme le sport de haut niveau en général, hein, mettre des œillères. Pour moi, c'est pas épanouissant, le sport de haut niveau. C'est quelque chose qui nous confine dans notre corps, qui nous empêche de nous ouvrir à pas mal d'autres dimensions de la vie. Et donc, je pense qu'il y a eu d'abord cette première étape dans ma vie où j'ai arrêté la compétition. Et puis, beaucoup plus tard... où j'ai laissé tomber les grandes expéditions et les choses difficiles et trop douloureuses que mon corps ne pouvait tout simplement plus subir, en fait, qu'il n'était plus apte à... Et peut-être que moi, dans ma motivation aussi, les deux se sont conjugués. On parlait beaucoup du corps et de l'esprit et comment l'un va modeler l'autre. Et moi, ça a d'abord été des douleurs physiques qui m'ont convaincu petit à petit que ma pratique n'était plus tout à fait adéquate par rapport à ce que je pouvais faire. Et c'est ça qui vous a amené vers le yoga ? Oui, alors le yoga, j'y suis allée pour deux raisons, peut-être parce que ma maman m'avait parlé, ma maman est professeure de yoga, elle me disait « mais tu devrais t'étirer, tu devrais faire du yoga, t'assouplir ». Et puis je l'écoutais pas vraiment comme on écoute les parents d'une oreille, et puis ça ressort de l'autre côté. Et puis quelques années plus tard quand même, j'avais vu, ne serait-ce que sur elle, la transformation, la métamorphose. Après la mort de ma petite sœur, elle s'était mise intensément au yoga et à la méditation, et elle s'était ouverte à cette dimension de la vie dont elle... dont elle était, enfin, avec laquelle elle était sensible plus jeune, mais qu'une vie de famille remplie et un travail ne lui a pas permis d'accomplir. Et j'ai vu chez ma maman, en fait, la transformation et la façon dont le yoga l'a aussi aidé à traverser ces épreuves. Et donc plus tard, quand j'ai eu mon propre souci autour de 35 ans, ça m'est paru comme une porte possible, une ouverture possible. Mais ça aurait pu être autre chose, une autre pratique orientale, mais... Ou ça aurait pu être la spiritualité si j'avais été davantage tournée vers l'Église catholique, mais c'est pas le cas. Voilà, si chacun après trouve la voie, peut-être qu'il parle à son cœur. Mais vous avez un rapport au temps qui est très spécial. Oui, j'ai besoin de beaucoup de temps, oui. Même le rapport à l'instant. À l'instant, oui. Une sorte de conscience de l'instant, même quand vous n'êtes pas sur les parois. Oui, j'essaie, ou en tout cas quand elle m'échappe, je suis très malheureuse au bout d'un moment. Si je vis le nez dans le guidon pendant une semaine ou deux ou trois, je sens avec l'épuisement aussi physique, la dispersion, poindre quelque chose comme si c'était une perte de l'essentiel. Peut-être c'est une conscience aussi de la finitude et de la mort qui me fait vouloir vivre le plus intensément possible chaque instant de la vie. Ça peut être vivre intensément pendant une période de ma vie, ça a été grimper des parois difficiles, voyager beaucoup. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que ça peut être de manière beaucoup plus simple. Comme ça, j'aime des écrivains comme Christian Bobin qui en parlent très bien. Cette capacité à vivre l'instant dans la sobriété heureuse de Pierre Rabhi aussi, par exemple. Ouais. Mais est-ce que vous pensez à la suite, à l'avenir ? À l'avenir, non, jamais, non, à peu près. Non, je me rends compte que je pense assez peu à l'avenir. Non. C'est vrai que je me projette très très mal. Parfois, ça a pu inquiéter mes parents qui s'inquiétaient pour ma retraite, mais ça m'a jamais inquiété, moi. Donc, non, je me projette mal, oui. Mais je suis contente d'être là et d'être bien, simplement là. Et ça ne provoque pas d'angoisse particulière ? Non, pas du tout. Au contraire, ce qui me provoquerait une angoisse, c'est d'avoir un agenda trop chargé. Ce qui commence à m'arriver cette année, je sais que j'ai des dates prévues en 2018 et ça me paraît excessif. Enfin, vous avez quand même dit que pour l'enregistrement, aujourd'hui était la seule date possible. Oui, mais c'est parce que j'aime bien aussi essayer de rassembler mes obligations. J'habite dans le sud-est de la France, dans un petit village. Paris est à 7 heures de chez moi, parfois 6 heures quand tout se passe bien. En voiture ? Donc, non, pas en voiture, c'est plutôt 9-10. Non, c'est en train. Donc c'est un long déplacement et quand je sais que je dois aller... Vous dites 6 quand tout se passe bien, ça veut dire qu'il y a des retards Non, mais ça veut dire que parfois le petit TER qui fait Veynes d'Évoluy, donc la petite gare Grenoble ou Valence, parfois est annulé, donc il faut prendre un bus et ça devient un peu plus moins agréable, moins confortable. J'aime beaucoup le train, mais j'aime pas le bus. Et donc simplement j'essaie de rassembler au maximum les obligations de manière à m'accorder de longues plages de temps libre sans lesquelles j'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer. Alors c'est peut-être l'asthmatique en moi qui s'exprime. L'impression comme ça de rétrécissement de l'être quand j'ai pas beaucoup d'espace et de temps devant moi. Bon, l'impression que ce livre, qui d'ailleurs n'était pas le premier que vous avez écrit, est un tremplin pour en écrire d'autres. Sur quoi portera le suivant ? Alors le suivant, enfin là ce que j'ai commencé à écrire, c'est un petit roman, dans lequel la montagne va avoir une part, mais pas comme seulement. Voilà, ce sera un petit peu le départ, la montagne, mais ça va s'en aller ailleurs après. Et puis voilà, quelque chose d'assez, une histoire assez simple, oui. Merci Stéphanie Baudet d'être venue à la conversation scientifique, parler du vide et de la matière. Alors, je comprends mieux, depuis que je vous ai rencontré et écouté, les dernières lignes de la préface de Sylvain Tesson que je vais lire. Quiconque a croisé un jour cette fille en montagne ou à l'une de ses conférences a été saisi par sa présence pure, ce sourire qui semble ineffaçable, cette aura inconsciente de son propre rayonnement. Enfin une alpiniste dotée d'une vraie face. Enfin un regard qui semble avoir vu quelque chose. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Pascal Bénard et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Le Temps des écrivains avec Christophe Onodibio.